Fabrice demande à Ludovic, le fidèle serviteur de la duchesse, de faire parvenir à Clélia un mouchoir de soie sur lequel est imprimé un sonnet de Pétrarque, et il réussit à connaître les détails de ce qui se passe dans Parme. Pour Fabrice, tout ce qui lui rappelait cette ville était à la fois sublime et attendrissant. Pendant ce temps, ont lieu les préparatifs du mariage du marquis Crescenzi et de Clélia. La duchesse refuse absolument que ce mariage n'ait pas lieu et médite sur le changement d'attitude de Fabrice quand on vient lui annoncer la mort du prince de Parme et les troubles qui s'en sont ensuivis, réprimés fermement par le comte Mosca. À ces nouvelles, la duchesse se sent pour le comte un excès d'admiration qui ressemble fort à de l'amour et décide de l'épouser. Elle rentrait à Parme accompagnée de Fabrice quand le comte la prévient que sa situation est précaire. Le nouveau souverain est en effet remonté contre le comte Mosca et ne semble pas disposé à bien traiter le neveu de la duchesse. Celle-ci, nommée dame d'honneur par la princesse de Parme, parvient cependant à le faire pénétrer dans la ville incognito. Fabrice s'installe alors en face de la citadelle. Rassi, le ministre de la Justice, est parvenu à remonter jusqu'à Ferrante Palla dans son enquête sur la mort du prince. Il produit un acte d'accusation et 182 dépositions contre les assassins. Lorsque le nouveau souverain informe la duchesse du travail de Rassi qu'il doit examiner, elle le convainc, difficilement, de jeter les papiers dans la cheminée et oriente ainsi le danger que le véritable commanditaire soit démasqué. Lorsque la Sanseverina raconte ses dernières actions au comte, il lui dit de pousser son avantage et de demander à ce que Fabrice soit jugé contradictoirement. Elle suit la suggestion du comte et Fabrice en profite pour se constituer prisonnier. Non à la prison de la ville, contrôlée par le comte Mosca, mais à la citadelle de Parme, où loge encore Clélia. Il provoque ainsi l'angoisse de la duchesse et du comte, qui redoutent une tentative d'empoisonnement avant le procès.